Tous les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi, faudrait frapper comme moi, faudrait snapper comme moi. Tous les négros dans le rap, veulent décaper comme moi, tout éclaté comme moi, mais vont dépaper comme moi. Tous les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi, faudrait frapper comme moi, faudrait snapper comme moi. Tous les négros dans le rap, veulent décaper comme moi, tout éclaté comme moi, mais vont dépaper comme moi. Tous les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi. C'est qu'on me prenne pour le pape, il faudrait snapper comme moi. J'ai fait sur mon site dans un pack de bière, t'as pas fait comme moi. Je débat ta fée, ton pensionnaire et pendant tant de mois. Si tiens l'énergie comme un maltais, balance le sang en moi. Ouais, balance le sang en moi, baba, balance le sang en moi. Je ne fais que dans les baisses, c'est la bouche, ta tête comme mon flow. C'est là, décris-moi, rends mon flow. C'est là, faut que tu m'as mon négro, c'est l'heure. J'ai pas de gaieté de cœur, si je te tue pour faire mon beurre. Mais si je fais face à l'autre alternative, je me fais enfermer. Trop de prix qui ne m'ont pas encore été décernés. Pose les armes, si t'as pas compris, pas mon flow, t'es cerné. Y'a le bruit et l'odeur, mais j'ai pas décodeur. Tu me soulèves le cœur, je vois que tu es en chien. Tu fais ce que tu peux pour matin, tu bois, tu fumes de bon matin. Mais tu resteras qu'une cata malgré toi, t'es malsain. Tous les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi. Faudrait frapper comme moi, faudrait snapper comme moi. Tous les négros dans le rap, veulent décaper comme moi. Tout éclaté comme moi, mais vont t'épaper comme moi. Tous les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi. Faudrait frapper comme moi, faudrait snapper comme moi. Tous les négros dans le rap, veulent décaper comme moi. Tout éclaté comme moi, mais vont t'épaper comme moi. Je suis désolé pour toi, if you ain't French like me. Tout le monde sait que je suis le best, c'est pour sortir ta jalousie. Si tu cherches ton alphabet, t'as la lettre Q, j'ai la lettre J. Peux pas m'empêcher de rapper, le rap pour moi c'est maladie. Amène-moi ces petits gros, ramène-moi ces petits d'air. Si c'est quoi ton petit nom, j'ai juste envie d'appeler fillette. La faute à l'opilo, donc c'est parti pour l'enculé. Balance tes phases au kilo, t'en vas pas le bout du tunnel. Don't fight, this a crime, I shine cause I grind. Je joue pour la gagne, ça dit je te finis en bain. Défonce tes pailles, comme moi c'est normal, je suis une caille. En plus que d'être le prime sur le style. J'ai connu 07, j'ai tout pour te faire. Pour faire des dents des sectes, on voit direct chez les grecs. Mon flow est perfect, un mec c'est un tech. En fait, MC dans le solo, je suis un prophète. J'ai les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi. Faudrait frapper comme moi, faudrait snapper comme moi. Tous les négros dans le rap, veulent décaper comme moi. Tout éclaté comme moi, mais vont t'épaper comme moi. Tous les négros dans le rap, faudrait rapper comme moi. Faudrait frapper comme moi, faudrait snapper comme moi. Tous les négros dans le rap, veulent décaper comme moi. Tout éclaté comme moi, mais vont t'épaper comme moi.